chaque couplet. Récurrents sont les thèmes, est-ce que cela me plaît? Si j'aime broyer du noir, je préfère croire en mes rêves que de penser mes plaies. Si tu veux tout savoir, pour ma part, ne peut pas être un problème de vouloir changer l'histoire. En déplaise à quiconque, la parole comme seul exutoire. Me débarrasser de ces démons, perpétuer la tradition sans forcément viser la gloire. Quelle est ma mission? Exprimer ce que je ressens entre joie et peine, ce sentiment d'inachevé. La Bible du soldat sur ma table de chevet. Je le fais pour que ça dure. Ceux qui ont la vie dure perdurent dans ce système sans se plaindre de leurs blessures. Bien sûr, j'arrête pas de violer la censure, sa sœur, je t'assure. Beaucoup de gens ne méritent que le vibro ma sœur. SDF, traite-moi d'ordure si tu veux. Je le prendrai comme un compliment. Demande tant ou tant sur la liberté d'action de certains cravateux, vu plus ou moins dans la même. Pouvoir qu'on s'emmerde à se tirer dessus, ça m'emmerde. Mentir de l'aide à Dieu ne sortira pas de ma merde. Comment dire, je suis impuissant face à mes crises de nerfs. Après avoir donné cred à des personnes peu fréquentables, je pense qu'à me remplir la panse, faire quelque chose de rentable. Monter un bis respectable, avoir ce qu'il faut à diviser en part équitable. Moins les dessous de table, go vas-y, passe sous la table. Tu prendras le manche même s'il manque la décapotable. Que ça me soit profitable. À chaque couplet, récurrents sont les thèmes. Est-ce que cela me plaît? Si j'aime broyer du noir, je préfère croire en mes rêves que de penser mes plaies. Si tu veux tout savoir, pour ma part, ne peut pas être un problème de vouloir changer l'histoire. En déplaise à quiconque, la parole comme seul exutoire. Me débarrasser de ces démons, perpétuer la tradition sans forcément viser la gloire. Quelle est ma mission? Exprimer ce que je ressens entre joie et peine, ce sentiment d'inachevé. La Bible du soldat sur ma table de chevet. Casanier, jamais pressé, souvent stressé par le rap français. Polygramme, Sony, Barclay, Emmy défoncé. Les trois quarts de la journée comme Emmy. Microphone test, 1-2, début de soirée. Avec les frères, on prépare la tournée. 16-64, encore une fournée. Borné, jamais rien lâché. Talent gâché pour certains, nul à chier. Trop bourré, prends pas la tête. J'ai pas envie de m'arrêter. Des leçons de personne à recevoir, apprendre, comprendre. Si c'est bien qui me fait du mal ou le mal qui me fait du bien dans ma peau. Tout ce qui compte, comment dire, frelot. Sans se fâcher, rabâcher les mêmes mots. Ne les laissons pas nous bouffer le cerveau. Tous ces vampires de leur vie qu'ont-ils fait d'ailleurs, si ce n'est venir me sucer le sang, garçon. À chaque couplet, récurrents sont les thèmes. Est-ce que cela me plaît? Si j'aime broyer du noir, je préfère croire en mes rêves que de penser mes plaies. Si tu veux tout savoir, pour ma part, ne peut pas être un problème de vouloir changer l'histoire. En déplaise à quiconque, la parole comme seul exutoire. Me débarrasser de ces démons, perpétuer la tradition sans forcément viser la gloire. Quelle est ma mission? Exprimer ce que je ressens entre joie et peine, ce sentiment d'inachevé. La Bible du soldat sur ma table de chevet.